La réunion au rang d'ambassadeurs du comité de coordination du mouvement de non-alignement s'est tenue le 28 février au siège de l'ONU en présence des délégués d'une soixantaine de pays membres du mouvement, surtout la République populaire démocratique de Corée. Dans son discours, le délégué coréen a fait remarquer la situation sérieuse dans la péninsule coréenne par suite des manœuvres militaires américano-sud-coréennes opposées à l'idéal noble du mouvement de non-alignement, avant de souligner le caractère d'agression des manœuvres et la justesse de notre mesure de renforcement de l'armement nucléaire. Et de continuer. J'espère que le mouvement de non-alignement, ayant pour mission principale la paix contre la guerre, s'intéressera comme de juste à la situation sérieuse dans la péninsule coréenne et formulera soutien et solidarité désintéressée aux efforts sincères de la République populaire démocratique de Corée pour la paix et la sécurité dans sa péninsule et le reste du monde contre le danger de guerre nucléaire. Le délégué coréen a indiqué que ce genre de mesures de solidarité répond aussi au dossier final du 17e sommet des États non alignés et à la mission du mouvement Force authentique et prise de paix contre la guerre. Rappelons que le dossier final du 17e sommet a condamné résolument les manœuvres militaires conjointes de nature agressive, l'utilisation des forces armées ou la menace contre les pays membres du mouvement, comme la violation des principes de la Charte de l'ONU et les actes d'agression, et appelé à maintenir et renforcer toujours l'union et la solidarité entre les pays membres. À la suite du discours du délégué coréen, un bon nombre de délégués des pays membres, notamment Cuba, Iran et Venezuela, ont prononcé des discours en sa faveur.